Chapitre 22e, à l'opéra. Bolabroquet se mit à chercher la raison, le motif, qui faisait ainsi intervenir tout à coup la jolie et si parfumée comtesse Varsovia. Du premier moment, il acquit la certitude que la comtesse Varsovia, de même que cette infortunée Madame Garitsa, était une femme agissant pour le comte de Sigomar. Sans doute, pensa-t-il, le marquis de Nizy Gomardolo, jusque maintenant, lui et son adorable sœur, Pepa d'Ortega, sont trop brûlés pour oser pénétrer dans le ministère. Ce serait aussi imprudent que maladroit, d'autant que leur complice est sous les verrous. Alors Sigomar fait marcher une de ses meilleures auxiliaires. La belle comtesse Varsovia a pris la place de Pepa. Il se demanda, que veulent-ils? La réponse lui semblait logique. Parbleu, les derniers documents apportés par le courrier de cabinet anglais, et qui pense-t-il doivent contenir la réponse du Foreign Office au sujet du traité des Dardanelles. En supprimant Reynaud, j'ai enlevé à Sigomar l'entrée dans le ministère. Alors il s'y prend autrement et il attaque non plus directement le coffre-fort, mais celui qui en a la garde. Il l'entoure de sourires, l'enveloppe de charme brun et blond, l'entraîne dans une atmosphère parfumée, capiteuse, surchauffée, comptant sur la jeunesse, la hardeur de Simonet pour provoquer la défaillance. Paulin Broquet se dit encore. Le succès ou la faillite de cette entreprise réside dans la force de résistance de Simonet. Simonet est un homme loyal, honnête, qui a conscience de son devoir, souci de sa mission. Mais la chair est faible, la griserie prompte et la chute trop aisée. Devait-il prévenir le jeune chef de cabinet du danger qu'il courait? N'était-ce pas lui faire une offense grave? Devait-il avertir le ministre, toucher quelques mots de cette situation périlleuse aux amis de Signoret? Autant de problèmes délicats qui demeuraient sans solution. Paulin Broquet, avant de prendre une décision quelconque, voulut étudier encore les agissements du marquis Izzy Gomartolo, de la belle Pepa et de la savoureuse comtesse Varsovia. Il voulait voir aussi comment se tenait devant ces attaques Simonet. Il savait toutefois que Simonet n'était pas homme à céder si facilement, et qu'avant quelques jours encore, une semaine, un mois, aucune modification ne pouvait survenir dans la loyauté de sa conduite. Le péril était donc loin, et il se pouvait fort bien que Simonet résistât absolument et très galamment, jouant un bon tour à Sigomar, prenant tout ce qu'on lui offrait de charme, de sourire, de caresse, et ne livrant en retour rien d'autre que lui-même, rien de ce qu'on attendait, non de lui, mais de son poste. À cette pensée, Paulin Broquet souriait. « La soirée des dupes, » fit-il. Rien, en effet, ne lui disait que Simonet eut soupçon seulement qu'on voulait de lui autre chose que de l'amour, et qu'il consentirait à servir à sa vanité flattée de beau garçon son honneur d'homme. Cependant, comme il pensait à cela, incessamment revenait à la mémoire la scène qu'il avait pu surprendre derrière la porte de cuir. Le parfum blond lui chatouillait les narines et dans ses oreilles chantait encore les baisers échangés. Qu'avait promis Simonet? Paulin Broquet surveilla, fit suivre heure par heure le jeune chef de cabinet du ministre, et il sut qu'en dehors de ses attributions habituelles, Simonet avait comme préoccupation uniquement la première du ballet dans lequel les sœurs Jantes devaient paraître et triompher. Simonet avait, ainsi que ses deux amis, la Rochardie et le capitaine de Montgomery, promis d'assister à cette solennité. Ils retinrent des fauteuils d'orchestre et se rendirent à l'opéra, gais, heureux, se promettant une soirée délicieuse. Selon l'habitude prise et les nécessités de la prudence la plus simple, les deux amis Simonet et le capitaine de Montgomery placèrent entre eux la Rochardie à l'opéra. Ils connaissaient trop l'influence de la musique sur le bouillon cavalier pour agir autrement. Cependant, la Rochardie était absolument convaincue d'être un bon musicien et jurait qu'il appréciait fort l'opéra, qu'il écoutait religieusement. Sincèrement, il ne se doutait pas de son sommeil. C'était de la meilleure foi du monde qu'il s'endormait dès les premières mesures de l'orchestre pour ne se réveiller qu'à la chute du rideau. Avec la plus absolue conscience, il joignait ses applaudissements à ceux des auditeurs enthousiastes et des claqueurs professionnels. Or, comme il avait des mains solides, des biceps en rapport, ses applaudissements s'entendaient plus que les autres, et quand il y ajoutait quelques bravos à haute voix, il dominait tout le bruit. De confiance d'ailleurs, il applaudissait dès qu'il se réveillait. Il arriva même plusieurs fois à ce sujet de pénibles aventures. La Rochardie, un soir, s'étant profondément endormie, n'avait pas tardé à ronfler. Quand l'orchestre tout entier jouait, que les chœurs donnaient avec ensemble, que les chanteurs entonnaient un air de bravoure fort bruyant, tout allait bien. Nul, sauf dans le voisinage immédiat, ne s'apercevait de cet appui inattendu apporté à l'orchestre. Mais il arriva que la rochardie continuait à ronfler quand le ténor et la chanteuse modulèrent, à mi-voix, un grand air de douceur ou de langueur. Inquiets, Simonet et Montgomery voulurent à ce moment atténuer le ronflement par trop sonore. Ils secouèrent leur ami. La rochardie se réveilla brusquement, croyant, comme à chaque fois qu'il se réveillait, qu'on était à la fin de l'acte. Il se mit à applaudir à tout rompre et clama des bravos, bravos, qui, dans le silence, produisirent l'effet de coups de canon. Ce fut désastreux. Depuis cette aventure, les deux amis n'osaient le réveiller au milieu de l'acte. Mais ils se trouvaient dans cette cruelle alternative ou de le faire tonitruer brusquement, ou de le laisser, au solo langoureux plaintif, couvrir de son ronflement régulier et sonore l'orchestre jouant en sourdine. Sans compter qu'à un autre soir de gala, cet enragé mélomane, ronflant trop fort et causant déjà du scandale, fut réveillé par un voisin grincheux. La rochardie, qui ce soir-là était partie dans un beau rêve de bataille, réveillée de cette façon, ne se mit pas à applaudir ou à crier bravo comme d'habitude. Il poursuivit son rêve et, brandissant son poing droit, hurla « Chargez !» Il augmenta même son commandement d'une de ces apostrophes militaires qui font très bien en plein air, mais qui faillit ici faire de saisissement évanouir quelques belles dames. On comprend les transes de Simonet et de Montgomery, ayant entre eux, dans son fauteuil, leur bruyant ami en cette soirée de gala. Tout Paris, le fameux Tout Paris, se trouvait à l'opéra. Les transes des deux amis n'en étaient que plus grandes. Avec son flegme, Montgomery attisa encore l'anxiété de Simonet. « La rochardie, dit-il tout bas, nous réserve peut-être un ronflement de gala. » Au fond, il n'eut pas déplu à son humour anglais de voir, au moment le plus solennel de la soirée, le capitaine se livrer à une de ses bruyantes et inconscientes facéties. Simonet, lui, ne vivait pas. Au dîner, il avait fait prendre plusieurs tasses de café noir, commandé très fort aux garçons. Il espérait que cela suffirait pour, en l'énervant, empêcher la rochardie de dormir. Mais la rochardie avait un estomac à diriger tous les cafés du globe et des nerfs fort peu impressionnables. Puis il avait fait, dans la matinée, dès le lever du jour, avec son escadron, beaucoup plus de dizaines de kilomètres au grand air qu'il avait absorbé de tasses de café. Or, le capitaine, le soir de pareil service, dormait comme son compagnon de randonnée dormait comme son cheval. Montgomery avait pris le malin plaisir d'informer Simonet de la promenade de leur ami. Simonet tremblait maintenant. Il se demandait quelle serait sa contenance quand l'événement fatal, inéluctable, allait tout à l'heure se produire. Ce soir, plus que jamais, il redoutait un esclandre, car dans une loge se trouvait, entre le marquis Don Isigo Martolo et divers amis et amies, la comtesse d'Ortega, radieuse de beauté et ruisselante de diamants. Vers la belle Pepa, l'amoureux Simonet tournait des yeux inquiets. Il lui envoyait un rapide sourire, auquel elle lui répondait rapidement mais délicieusement. Simonet et ses deux amis occupaient des fauteuils au deuxième rang. Le hasard malicieux voulut qu'au rang suivant un fauteuil fût occupé par le baron de la Roucoulière. Le terrible Périgourdin n'avait rien perdu du manège de Simonet et des sourires de Pepa. Il rongeait son frein, tiraillait ses moustaches, mâchonnait quelques menaces épouvantables. À ses amis, ses témoins, qui ce soir étaient également dans la salle, voisins de fauteuil, le comte de la Plaignée, le baron du Rozoir, il dit tout bas « Ce soir, ici, à l'opéra, je trouverai le prétexte que vous réclamez pour forcer ce grandin à venir sur le terrain. Après-demain, celui qui sourit à Pepa sera entre les bras de la mort. » Le baron de la Roucoulière faisait partie du tout Paris. Il ne pouvait manquer de paraître à cette solennité. Au même titre que lui, dans la salle bien parisienne, se trouvaient diverses autres personnalités, telles que le major Otto Friedenstrass, ancien attaché à la Légation allemande, M. Schulbach, une des notabilités du commerce allemand à Paris, l'ancien membre du consulat de Roumanie, M. Nemotsu, un Australien, Macrillian, et naturellement le banquier James Benamol. Avec le baron Osaka, la légation japonaise se trouvait dans une loge. Puis beaucoup d'Américains, quantité d'Anglais, un semi d'Allemands, des Belges, des Russes, des Turcs. Cela faisait, comme je le disais, une salle bien parisienne. Perdu dans les fauteuils se trouvait un Américain qui semblait ne connaître personne. Or cet Américain n'était pas perdu pour tout le monde. Quelqu'un l'avait remarqué dans la foule. Cet homme, pendant le va-et-vient qui précède le spectacle, avait longuement, d'un couloir, très attentivement avec sa lorgnette, étudiait les personnages garnissant le loge de la belle Pepa d'Ortega. Tout comme le baron de la Roucoulière, il avait vu les coups d'œil rapides, les sourires, que tout en s'éventant avec la grâce spéciale des Andalouses ou des créoles d'origine espagnole et portugaise, la délicieuse comtesse lançait à Simonet. Et cet homme fronça le sourcil, puis, cessant de se servir de sa lorgnette, il se mit à se gratter le menton d'un mouvement machinal. Cet homme était Paulin Broquet, venu à cette soirée de gala, non pour affaire de service, mais pour son seul plaisir d'amateur de musique. Admirablement bâti, d'une élégance sobre, sévère, il se montrait sous aucun déguisement, sans maquillage ni camouflage, tel qu'il était en vérité, un homme du monde accompli, sympathique au plus haut point. Quoique se tenant modestement à l'écart, voulant être perdu dans la foule, il fut aperçu, et des mains nombreuses se tendirent cordialement vers lui. Au passage, gagnant sa loge officielle, le ministre des Affaires étrangères, M. Desboisbille, se détacha des personnages qui l'accompagnaient et tint à lui donner ici, publiquement, une marque de son estime, une preuve de plus de sa reconnaissance, dont Paulin Broquet, malgré sa froideur apparente, fut extrêmement touché. Naturellement, Paulin Broquet n'était pas venu seul à l'opéra. Ses deux lieutenants, Gabriel et Lamorce, s'y trouvaient également, et avec eux ils avaient emmené quelques hommes de la brigade qui se trouvaient éparpillés dans la salle. Mais ni le chef ni les hommes n'étaient là pour l'exécution d'un plan. Le chef s'y trouvait pour son plaisir, et ses lieutenants, ses hommes, pour rester toujours en contact avec lui, ne pas le perdre de vue, se tenir prêt à toute éventualité. Le service d'ordre et de surveillance du théâtre appartenait aux commissaires spéciaux. Tranquillement donc, Paulin Broquet allait goûter une soirée de repos artistique. Quand il regagna son fauteuil, qui se trouvait du côté opposé au rang occupé par les trois amis, Paulin Broquet, dont les yeux merveilleux, même sans lorgnette, voyaient loin, fouillaient dans l'ombre, discerna dans le fond d'une baignoire, comme voulant se dissimuler dans la pénombre, ne pas être remarqué, reconnu, le colonel de Fongrive. Devant lui, rayonnant d'une beauté singulière, attirante, doublée du charme du type exotique, se tenait, un peu penchée en arrière pour être plus près de lui, la jeune femme qui, sous un parasol, là-bas, au camp de Satori, gracieusement assise sur un pliant de toile, suivait avec intérêt les manœuvres d'artillerie, Madame Garitza. Et si là-bas, en plein air, le colonel s'empressait auprès de la jolie femme, ici, il semblait l'enlacer, la dorloter. Sous couleur de consulter avec elle le programme, il s'approchait d'elle, qu'il se penchait en arrière, il frôlait son épaule, mêlait ses moustaches à ses cheveux blonds. « Bon, » se dit Paulin Broquet, qui, peut-être le seul, pouvait voir ce manège, « c'est bien le grand amour, c'est la forte passion. Comme cette pauvre femme est heureuse en ce moment. Quel dommage qu'il y ait pour elle le passé. » Madame Garitza pouvait en effet maintenant goûter tranquillement le bonheur d'aimer son colonel, grâce à Paulin Broquet. Elle avait remis au maître les pièces trouvées dans le dossier du détonateur Imaïlo, dans les documents du DR marqués d'une croix dans le coin. Et le maître s'était déclaré satisfait. Cela devait durer jusqu'au moment où le maître s'apercevrait de la supercherie, mais à ce moment, Paulin Broquet savait que Madame Garitza serait en sûreté, qu'on ne pourrait rien contre elle. Et le détective se contenta de sourire en voyant ce bonheur qui était son œuvre, et il ne s'intéressa plus qu'au spectacle, la toile venant d'être levée. Toutefois, de temps en temps, il portait les yeux vers les trois amis. Simonet et Montgomery écoutaient attentivement, suivaient très intéressés ce qui se passait sur la scène. Quant à la Rochardie, il faisait vraiment la meilleure contenance. Il luttait tant qu'il pouvait. Si sa tête tombait de temps en temps sur sa poitrine, aussitôt, il la relevait vivement, comme en tirant sur la bride on redresse un cheval qui bute. Ses deux amis, n'ayant pas encore entendu de ronflement, pouvaient croire que ce soir, il parviendrait à aller ainsi dans cette somnolence muette jusqu'au moment du ballet. Alors, tout serait sauvé.